tu es Tracy Turnblad. Tu sais que tu es ma danseuse préférée dans le Corny Collins Show. C'est ma petite sœur, Inès. Ah ouais, je t'ai vu à l'audition. Eh ben, t'es bien la seule, hein. Parce qu'ils m'ont viré à coups de pied dans mon air de petite plaque.